voulais effectivement aborder devant vous la question des liens établis entre la maison d'Autriche, de Lorraine, et un de ces Lorrains de l'exil qui a finalement, à travers son parcours, réactivé ce lien de fidélité au XXe siècle. On a vu hier avec le général Petiot que les relations entre la maison de Lorraine d'Autriche et les officiers, les savants et les hommes de loi lorrains avaient pris corps, notamment dans le transfert de souveraineté intervenu en 1637, François III de Lorraine devenant l'époux de Marie-Thérèse d'Autriche, et ce transfert de personnes de l'ancien duché de Lorraine jusqu'aux terres danubiennes constitue vraiment un élément important de cette transmission de la fidélité et de la tradition lorraine. Et Jean de Pange se singularise par finalement la poursuite de cette tradition, avec néanmoins quelques inflexions que je vais indiquer à l'instant. Ce que l'on peut dire, car sa trajectoire est assez foisonnante, et d'ailleurs je remercie Henri de Montiletti qui a fait une très belle approche de ce que peut être la pensée de Jean de Pange. En tous les cas, ce qu'il faut dire pour commencer, c'est que c'est un homme effectivement des lisières, né non pas sur la terre familiale de Pange, qui est une terre située à la lisière entre l'ancien duché de Lorraine et le royaume de France, mais c'est un Lorrain, j'ai parlé de Lorrain de l'exil, c'est peut-être le terme est un peu fort, mais c'est un Lorrain donc dont le père a fait le choix en 1871 de choisir la France après le traité de Francfort. Et ce choix a beaucoup pesé, notamment dans ses orientations culturelles en partie, mais aussi dans le sens de la légitimité qu'il a travaillé tout au long de son parcours. Son père, pour aller vite, était un officier d'artillerie, donc de la grande école militaire française. Il a notamment été blessé à la bataille de Gravelotte en 1870. Il a donc choisi la France après le traité de Francfort, et il se retrouve à Versailles, d'ailleurs, pendant quelques temps, à l'école d'instruction d'artillerie. Et c'est à partir des années 1885 que, à la faveur d'une nomination, le père de Jean, qui porte le même prénom, mais qui est marquis, Jean n'étant que comte, en tant que fils cadet, le marquis Jean de Pange, donc, est nommé attaché militaire à l'ambassade de France dans l'Autriche des Habsbourg. Et cette nomination va avoir une conséquence assez importante dans finalement l'éveil au monde de Jean de Pange, puisqu'effectivement pendant pratiquement 4 ans, la découverte de la double monarchie par le jeune Jean, il est évidemment très jeune puisqu'il est né en 1881. Donc ce sont vraiment les premières impressions de sa vie de jeune enfant. Mais néanmoins, les impressions qu'il va recueillir lors de ces années de prime jeunesse vont quand même le marquer définitivement. Et l'Autriche va être pour lui, l'Autriche-Hongrie, les Habsbourg-Lorraine, va être celle de son éveil au monde et de son apprentissage des continuités et des ruptures de la vie. Il va y découvrir donc la permanence de la tradition lorraine, catholique et supranationale, et il va aussi connaître un deuil familial, la disparition de sa mère. Donc véritablement un moment important dans son éveil au monde et à la connaissance. Et pour lui, très clairement, l'Autriche de la double monarchie, c'est finalement un reliquat du Saint-Empire avant l'emprise prussienne. C'est une Autriche, il le dit de façon très imagée, c'est une Allemagne sentimentale et rêveuse, celle des leaders et des valses lentes, donc une Allemagne avant l'emprise prussienne. Et finalement, l'Autriche-Hongrie, telle qu'il la découvre, c'est celle de la grande tradition de la société cosmopolite du XVIIIe siècle. On a parlé du prince de Ligne hier. Et pour lui, c'est véritablement cette atmosphère d'ancien régime qui le marque de façon définitive. Et d'ailleurs, il va notamment assister au fameux cérémonial pénitentiel du Jeudi Saint à la Hofburg, où François-Joseph, il l'appelle ainsi le dernier duc le dernier de nos ducs qui était empereur, François-Joseph donc lave les pieds des vieillards indigents, et tout cela impressionne beaucoup le jeune Jean de Penche, qui d'ailleurs va se faire aussi raconter les funérailles de l'archiduc Rodolphe en 1889, et notamment les fameuses formules rituelles que chacun connaît devant l'entrée de l'église des Capucins. Tout cela va créer véritablement une sensibilité singulière, et pour Jean de Penche, voilà ce qu'il dit: pour un Lorrain, parler de l'Autriche, c'est parler de sa seconde patrie. Et cette affirmation, je crois, doit être comprise dans le sens d'une fidélité dynastique pour les Habsbourg-Lorraine, naturellement, et aussi dans le sens de la mission transnationale qu'il attribue à la Lorraine, et donc, par glissement, à l'Autriche. Voilà ce qu'il dit à propos de Vienne. Vienne est la Kaiserstadt, la ville impériale consacrée à la gloire des Lorraines Habsbourg, qui, on le sentait, n'était pas une dynastie nationale. De toutes les capitales de l'Europe, aucune n'avait autant le caractère transnational. Et tout cela, il va le développer, bien sûr, bien après son séjour à Vienne, mais cela va vraiment imprégner sa réflexion. Et à tel point qu'il va s'interroger aussi sur la notion de qu'est-ce qu'un territoire, qu'est-ce qu'une patrie. Et pour lui, c'est d'abord une notion qui a à voir avec l'esprit. Il dit d'ailleurs que la Lorraine est avant tout une patrie spirituelle. Et d'ailleurs, il rappelle que la Lorraine en tant que telle est née de la Lotharingie, et que sa vocation a toujours été d'amalgamer des cultures, des groupes de peuples d'origines diverses, unis par un idéal transcendant, incarné par un souverain, duc ou empereur. Et de ce point de vue-là, pour lui, l'idée lorraine se perpétue au sein même de l'Autriche-Hongrie des Habsbourg. Et cette conception de la Lorraine, eh bien, va être intimement liée à son concept de légitimité. Et tout cela, eh bien, va constituer vraiment le ferment d'une réflexion qui va prolonger par la suite, puisque l'autre impact de son séjour viennois va être la découverte, via les recherches qui vont être menées par son oncle, Maurice de Penge, qui va notamment soutenir la famille dans l'épreuve du deuil. J'ai indiqué la disparition de la mère de Jean de Penge. Et cet oncle, donc Maurice, va consulter le volumineux fonds lorrain qui a été transféré à Vienne au moment de l'arrivée des Lorrains dans le siège du duc François III en 1736-1737. Et tout cela, cette découverte de ce fonds lorrain va très largement conditionner aussi chez Jean de Penge sa vocation d'historien. Et juste d'un mot pour terminer sur le père de Jean, donc le marquis, qu'on voit ici dans sa tenue d'officier en 1889. Le marquis de Penge donc, va quitter le service de l'ambassade de France en la même année, en 89, et va néanmoins être honoré de l'insigne de commandeur de l'ordre de François-Joseph, signe qu'il avait été apprécié à la fois par les autorités impériales et par l'empereur. Et il est certain que, sachant le choix qu'il avait fait, c'est-à-dire quitter la Lorraine natale pour ne pas devenir allemand en 71, eh bien, le prédisposait à avoir une certaine austrophilie, et en tout cas considérer que l'Autriche-Hongrie était un pôle d'équilibre en Europe centrale face à l'hégémonie prussienne. Donc cette réflexion que j'ai indiquée sur la légitimité et sur l'esprit transnational qui va être cultivé par Jean de Penge va être vraiment le fil conducteur de sa réflexion. Pendant toute la période avant 1914, il va d'ailleurs, après donc des études d'abord au Collège Stanislas puis à l'École des Chartes, il va définir finalement son programme de travail qui sera en quoi le modèle médiéval, c'est-à-dire la légitimité et la sacralité du pouvoir, peut être un modèle pour le temps présent. C'est vraiment cette préoccupation constante qui va ensuite irriguer ses travaux. Et il va doubler ce questionnement sur la sacralité et la légitimité du pouvoir avec une découverte de l'Europe, un peu dans l'esprit des grands tours de l'aristocratie du XVIIIe. Il va d'abord il va s'expatrier en Extrême-Orient, un voyage assez aventureux en 1901. Il va aussi rencontrer le général, pas encore maréchal, Lyautey en 1904 au Maroc, une amitié qui va compter ensuite dans ses liens avec les Habsbourg. Et ensuite, il va aller dans différentes capitales et villes européennes, à Oxford, à Berlin et à Munich, là encore une fois pour avoir une approche sensible et directe de l'Europe. Il est convoqué, comme tous les hommes et jeunes hommes de son âge, par l'ordre de mobilisation en août 14. Il est d'abord lieutenant et il termine le conflit. Il commence dans la cavalerie et comme vous le savez, il va affronter la mutation des armes puisqu'il va être versé dans l'artillerie où il va terminer capitaine en 1918. Et néanmoins, si on ignore sa réaction sur le vif, ou même peu de temps après, sur le projet de traité de paix séparée entre l'Autriche et la France, on sait en revanche que très vite, dès la signature des traités de Trianon et de Saint-Germain-en-Laye, eh bien, il va considérer que les conditions de démantèlement de l'Autriche-Hongrie ont été désastreuses. Et voilà ce que dit Robert d'Harcourt, qui a été un de ses amis à ce propos. En parlant de Jean de Penche, tous les coups portés à l'Autriche sont à ses yeux les grands péchés de l'histoire. Il ne pardonne pas aux vainqueurs de 1918, ce qui est à ses yeux à la fois une faute politique et une faute morale, le dépècement de l'ancien empire des Habsbourg-Lorraine. Et c'est en ce sens d'ailleurs qu'il va très vite, en 1919-1920, soutenir, même de loin, le projet de confédération danubienne qu'on a évoqué ce matin. Il va même préconiser ce qu'il appelle une république fédérale sur le modèle de la Suisse, qui prendrait donc le nom de Confédération danubienne ou États-Unis de l'Europe centrale, rassemblant Autriche, Hongrie et Bohême. Et il va notamment avoir des contacts avec Maurice Paléologue. Tout cela, malheureusement, va être très vite... ne va pas aboutir. Et il va aussi, et ça c'est assez immédiat par rapport à la création de la petite entente, il va tout de suite avoir des préventions contre Benesch qui va le rencontrer en 1922 lors d'une cérémonie de remise d'un titre de docteur honoris causa à l'université donc de Strasbourg. Et donc Jean de Penge, qui est alors à Strasbourg, il va y rester en tout cas en Alsace jusqu'en 1925, donc de 21 à 25, notamment car l'Alsace pour lui est une de ces terres médianes où finalement on peut réconcilier les ennemis d'hier. Il va donc rencontrer Benesch et il va dire qu'il trouve cet homme assez tortueux, méfiant. Et voilà ce qu'il dit très rapidement de lui. Par son hostilité au fédéralisme, il fait une politique funeste qui, d'une part, en isolant l'Autriche, la laissera sans défense contre l'Allemagne et, d'autre part, en formant un petit État slave, prépare son absorption par la Russie. Donc vraiment une vue assez prémonitoire. Et dans le même temps, il prend des contacts et en tout cas il découvre le manifeste qui a été produit par Richard Kounov-Kalergi, dont a parlé ce matin Madame Demerle, qui est déjà une préfiguration de ce que pourrait être la réorganisation de l'Europe sur une base fédérale. Et pour lui, pour Jean de Penche, donc ce fédéralisme européen doit véritablement être la pierre d'angle du nouvel ordre politique sur le continent. Un fédéralisme qui, pour lui, doit être d'essence chrétienne, fondée sur une union des élites. Tout ça pour juguler le péril totalitaire, qu'il appelle le cancer des sociétés modernes, et qu'il décèle aussi bien dans la Russie soviétique que dans l'apparition du phénomène fasciste en Italie. Et il va essayer pendant pratiquement une dizaine d'années de faire des terres d'entre-deux, des terres médianes, d'abord la Rhénanie, ensuite l'Alsace et après la Sarre. Finalement, ces terres porteuses d'une double culture, en faire des liens pour justement créer cet esprit fédéral, cet esprit transnational. Et pour lui, finalement, l'Autriche arrive un peu en bout de chaîne, si j'ose dire, puisqu'elle est finalement l'ultime rempart. Très vite, c'est cela qu'il va déceler. Elle est l'ultime rempart face au risque d'hégémonie allemande et d'explosion des nationalismes en Europe centrale. À la même époque, Jean de Penge, donc dès les années 20, retrouve Lyautey dans sa demeure lorraine de Thorey. Et Lyautey, dès cette époque d'ailleurs, est en cheville avec notamment le prince Sixte de Bourbon-Parme. Et c'est l'un des contacts privilégiés qu'il a avec la famille impériale est lié notamment à ses relations entre Lyautey et le prince Sixte, puisque notamment il y a des correspondances qui sont échangées entre Lyautey et l'impératrice Zita. Et Jean de Penge, évidemment, partage complètement à la fois la sensibilité monarchiste de Lyautey, mais aussi la vocation des Habsbourg à jouer un rôle dans l'Europe d'après 1918. Et d'ailleurs, très significativement, au printemps 27, c'est-à-dire 60 ans après la visite de l'empereur François-Joseph à Nancy, dans la chapelle des Cordeliers, qui est le sanctuaire de la maison de Lorraine, eh bien, l'archiduc Otto et l'impératrice Zita se rendent, avant d'aller au Luxembourg, vont rendre hommage à la mémoire de leur ancêtre lorrain. Et tout cela est accompagné par les vœux de Lyautey, qui évidemment est en relation directe avec Jean de Pange. L'autre perspective qui va se dessiner rapidement, donc je l'ai dit, au tournant des années 20 et des années 30, c'est la nécessité finalement de redonner à l'Autriche une armature politique pour préserver son indépendance. Et pour Jean de Pange, il est certain que cela passe par une restauration impériale. C'est une idée qui n'est pas présente en 1920 dans ses réflexions, mais qui apparaît à partir des années 30 au moment de la montée des périls. Et il a un certain nombre de contacts qu'il va développer en Autriche, notamment autour d'une personnalité, de plusieurs, mais notamment d'une. Il s'agit de Hans Karl von Zesner-Spitzenberg, qui est l'un des animateurs du mouvement légitimiste en Autriche, qui d'ailleurs, je le dis au passage, va être le premier Autrichien à être enfermé dans un camp de concentration après l'Anschluss en mars 38, et va d'ailleurs mourir des mauvais traitements. Et donc ce gentilhomme autrichien avait invité Jean de Pange en juillet 36 à Salzbourg pour une conférence sur l'Autriche et la culture française. Et Jean de Pange va, lors de cette conférence, rappeler que l'Autriche a un rôle particulier à jouer dans l'avènement du fédéralisme à l'échelle européenne, et va aussi rappeler le rôle transnational que peut jouer l'ancien territoire des Habsbourg. Il est aussi en contact avec l'ancien ambassadeur et conseiller impérial Alexandre von Hoyos, qui a été notamment le collaborateur du comte Léopold Berchtold, ministre des Affaires étrangères de la double monarchie. Et avec Hoyos, ils envisagent donc un ordre international destiné à promouvoir l'esprit chrétien dans le sens d'une fédération européenne. Et tous les contacts qui vont être établis en Autriche entre les groupes légitimistes et l'archiduc Otto en exil, d'abord en Espagne et puis ensuite au château de Sternokesel en Belgique, va s'intensifier. Et comme vous le savez, la petite entente va systématiquement opposer une fin de non-recevoir à ces projets dynastiques. En tous les cas, il y a un slogan qui fait florès à l'époque en Autriche, vous le connaissez sans doute, c'est celui-ci: « Besser Kaiser Gottes Gnaden als den Schuft von Berchtesgaden ». Mieux vaut un empereur par la grâce divine que la fripouille de Berchtesgaden. Et on a notamment des petites images qui circulent un peu partout en Autriche, où on voit par exemple ici le portrait de l'archiduc Otto en habit d'empereur d'Autriche et roi de Hongrie, donc face à la gloriette de Schönbrunn. Donc véritablement un courant de sympathie qui prend de l'ampleur. Et Jean de Pange accompagne avec ses moyens, avec ses réseaux, cette mutation et en tout cas cette espérance monarchiste en Autriche. Et tout cela va basculer évidemment avec l'apparition de la menace qui va devenir effective en mars 38, avec donc la violation de la souveraineté autrichienne par les armées du Troisième Reich, et donc l'Anschluss qui va être engagé juste après cette violation de souveraineté. Et d'ailleurs, je le signale au passage, un ouvrage était paru une année auparavant, écrit par un journaliste, Philippe Amiguet, qui d'ailleurs avait écrit aussi une très belle biographie du prince Sixte de Bourbon-Parme, et qui écrit notamment ceci à la fin de son ouvrage, en parlant des États successeurs: « Le veto des États successeurs renforcera en Autriche les entreprises hitlériennes. Est-ce là vraiment ce que veut l'Europe? Otto en exil, Hitler à Vienne. Nous sommes en 1937, un an plus tard, ces sombres prémonitions deviennent réalité. » Et Jean de Pange va immédiatement proposer ses services à l'archiduc Otto quand il s'installe à Paris après donc l'Anschluss, et il va essayer avec ses moyens de grouper autour de lui un certain nombre de personnes du monde politique français qui pourront finalement faire droit aux demandes de l'archiduc. Il va notamment s'appuyer sur le ministre Champetier de Ribes, qu'il a connu, que Jean de Bange a connu dans le cadre des rencontres du mouvement démocrate chrétien, en tout cas le Parti démocrate populaire qui s'était constitué dans les années 20. Et il va aussi rentrer en relation avec un certain nombre de membres de l'ancienne légation autrichienne, je pense notamment à Martin Fuchs, qui est l'un des principaux acteurs de ce qui va devenir ensuite l'entraide autrichienne, donc un organisme destiné à grouper les réfugiés autrichiens autour de l'archiduc. Et notamment, Jean de Pange, effectivement, va rencontrer Otto dès 1938, à la fin de l'année, via le chef de cabinet de l'archiduc Heinrich Degenfeld-Schönburg, et va évoquer avec lui donc la mort du baron von Zesner et la nécessité aussi de recréer une académie autrichienne qu'il charge Jean de Pange de reconstituer. Il s'agit en fait donc que cette académie puisse proposer un nouveau programme de fédération danubienne et éclairer aussi l'opinion française sur la question autrichienne. Jean de Pange intervient aussi pour permettre l'édition de l'hebdomadaire dit Österreichische Post, le courrier autrichien, qui est la publication des légitimistes habsbourgeois et qui permet là aussi de développer les axes programmatiques des légitimistes, indépendance de l'Autriche, vocation sociale et démocratique de la monarchie, confédération danubienne avec égalité des droits entre les États membres et une revendication importante, retour du Tyrol du Sud à l'Autriche, qui d'ailleurs, Tyrol du Sud qui avait été injustement, comment dirais-je, dérobé, si j'ose dire, après 1918. Et c'est une des revendications importantes qu'on retrouve chez les légitimistes autrichiens de cette époque. Cette aide qu'apporte Jean de Pange à travers les différents mouvements légitimistes et réfugiés autrichiens à Paris est assez significative et il essaie aussi d'aider l'archiduc à constituer un conseil national autrichien qui serait une sorte de représentation officielle de l'émigration autrichienne à Paris. Malheureusement, tout cela va être très rapidement obéré, d'une part car il y a un certain nombre de réticences de la part de fonctionnaires du Quai d'Orsay qui considèrent que c'est une rupture dans la politique traditionnelle de la France, notamment à l'égard des Tchèques, puisque Beneš continue malgré tout à porter le feu et le fer contre les Habsbourg, malgré la situation. Et enfin, l'Angleterre est assez peu soucieuse de donner une représentation diplomatique indépendante à l'immigration autrichienne dans le contexte donc de l'après-Anschluss et surtout dans le contexte donc d'une possible restauration, en tout cas d'un possible soutien de la France à l'archiduc Otto, qui est donc l'héritier présomptif du trône. Et donc tout cela va malheureusement être encore une fois se heurter à un contexte politique qui n'est pas favorable, mais néanmoins Jean de Pange va continuer à agir dans ce sens. Il va jusqu'au bout, c'est-à-dire jusqu'en mai 40, jusqu'au moment où le front ouest va s'effondrer, il va dire Otto est par droit de naissance roi de Bohême, roi de Croatie, grand voïvode de Transylvanie, et même s'il abdiquait ses titres, il passerait à ses descendants, et il ponctue toujours en disant il faut refaire la confédération danubienne. Tout cela, encore une fois, s'effondre en mai 40. Otto d'Habsbourg, qui est donc menacé de mort, je montre ici l'une des manchettes du journal nazi qui datait d'avril 38, pardon. Steckbrief gegen Otto von Habsbourg. Donc, il est menacé de mort et il est pris en chasse par les limées de la Gestapo. Donc, il doit trouver un échappatoire. Donc, il va choisir à nouveau l'exil, cette fois-ci vers les États-Unis. Et Jean de Pons décide, lui, de rester temporairement, en tout cas à Paris, et notamment eh bien, d'essayer de faire disparaître toutes les preuves qui peuvent servir de motif d'accusation au moment où l'armée allemande rentre dans Paris. Il va d'ailleurs souffrir de cela puisqu'il va être incarcéré à la prison de la Santé à partir de mai 41, et il va notamment dire, ce qui est d'une audace inouïe à l'égard de ses geôliers, qui lui demandent, puisqu'entre autres, ce qu'on lui reproche, c'est justement d'avoir été l'un des principaux partisans de la restauration des Habsbourg en France, et on lui demande êtes-vous parents des Habsbourg, et il répond non, mais ils sont nos anciens ducs de Lorraine et nous avons été longtemps à leur service, et il ajoute On parlera encore des Habsbourg et de l'archiduc Otto longtemps après que le chancelier Hitler aura quitté le pouvoir. Donc véritablement une déclaration qui est sans équivoque. Il est quand même relâché pour des raisons que je n'ai pas le temps d'évoquer, mais c'est notamment car il y a un conflit de compétences entre différentes instances de répression allemande et ses amis alsaciens interviennent aussi en sa faveur. Je termine d'un mot sur l'après-guerre, puisque Jean de Penche garde cette légitimité à travers ses actions à l'égard de l'archiduc Otto. Et notamment, il va se réjouir évidemment du choix que fera l'archiduc de Nancy comme capitale, ancienne capitale du duché de Lorraine et lieu de ses épousailles avec l'archiduchesse Regina. Et il va aussi d'ailleurs très largement accompagner le choix qu'avait fait l'archiduc Otto et bien de s'engager dans le sens d'une construction d'une Europe unie. Et il va notamment l'accompagner jusqu'au bout, jusqu'en 57, date de sa disparition, à travers là aussi des contacts avec Robert Schuman, qui sera aussi l'intermédiaire entre le gouvernement français et l'archiduc Otto, et notamment qui va permettre que ce mariage ait lieu à Nancy. Je terminerai juste par une citation que donnait l'archiduc Otto en 77. Nous étions donc 20 ans après la mort de Jean de Pange. Il intervient donc à Montigny-lès-Metz, à la salle Europa, la bien nommée, au moment où lui remet la médaille d'or Robert Schuman. Et voilà ce qu'il dit en évocation, en illustration de ce que j'ai présenté aujourd'hui. Il se souvient de ce petit groupe de Lorrains, disons plutôt lotharingiens, qui se retrouvaient de temps en temps au cours de ces années douloureuses, qui voyaient approcher la deuxième catastrophe européenne, qui discutaient entre eux des chances de sauver notre vieux monde. Il y avait là Robert Schuman, et il y avait aussi Jean de Pange. Lorrain, nous étions naturellement européens. Ainsi, cette évocation des liens et des trajectoires de ces trois hommes, Lorrain de cœur et européen d'esprit et de vocation, qui chacun dans leur rôle respectif ont contribué au projet unitaire, confirme la définition qu'en donnait l'écrivain fédéraliste suisse Denis de Rougemont. L'Europe unie n'est pas un expédient moderne, économique ou politique, mais c'est un idéal qu'approuvent depuis 1000 ans tous les meilleurs esprits, ceux qui ont vu loin. Je vous remercie.